De plus, tout va mal pour l'oncle que le baron envoya en Algérie. Il demande à Hulot 200 000 francs. Ses manœuvres ont échoué et son honneur est en péril. Adeline, avertie par son mari, songe à se donner à Crevel, qui lui avait offert cette somme 3 ans avant. Elle le fait venir, essaie de le séduire, avec une immense maladresse, mais celui-ci résiste et l'humilie. Elle n'a pas l'habileté de Valérie. Pourtant, son désespoir et sa piété finissent par émouvoir Crevel, qui promet de lui procurer les 200 000 francs. Mais il va chez Valérie avant d'aller à la banque. Celle-ci, en apprenant son projet, fait semblant d'avoir une crise de piété, puis lui dit qu'elle a joué la comédie, afin qu'il croie qu'Adeline aussi lui a menti. De toute façon, il est trop tard pour sauver la réputation de la famille. Le scandale en Algérie est ébruité. Hulot est contraint à démissionner. Son frère rassemble l'argent nécessaire à rembourser le vol et meurt de honte. Après une longue maladie, pendant laquelle Adeline le soigne, Hulot quitte sa famille et disparaît. Il va chez Josepha, son ancienne maîtresse, qu'il reçoit avec gentillesse et qui lui propose de s'établir avec une de ses protégées, une jeune fille de 16 ans. Des amis politiques rendent à Victorin, le fils Hulot, les 200 000 francs du maréchal pour lui permettre d'établir sa mère. Pendant près de 3 ans, Adeline, qui passe beaucoup de temps à des visites charitables, vit donc avec son fils, sa belle-fille, Célestine Crevel, sa fille Hortense et la cousine Bette. Celle-ci, qui est censée s'occuper de leur ménage, poursuit en fait sa vengeance et continue à mener double jeu en voyant Valérie. Elle est la seule à savoir où se cache le baron Hulot. Peu après, Valérie et Crevel atteignent une maladie vénérienne, meurent dans d'atroces souffrances, après s'être lentement décomposés. Valérie, à l'agonie, se repent, tandis que Crevel joue le libre esprit jusqu'au dernier moment.